الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فنحمد الله عز وجل أولا وآخرا الذي جمعنا في هذا الجمع الطيب كرات مديدة على علم بكتاب الله وسنة نبي الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. Donc, comme à notre habitude, lorsqu'on commence un nouveau dars ou un nouveau livre, on remercie Allah Azza wa Jal. On remercie Allah Azza wa Jal, lui seul qui nous a permis ce bienfait. Ce bienfait, le bienfait de se réunir, de se regrouper sur ou pour la science religieuse. وفي الحقيقة نشكره بمزيد في هذا اليوم لأنه سرنا بلقاء بعض إخواننا الفضلاء كأبي إبراهيم سفيان وأخيرا أخينا الفاضل المهدي الجزائري. وتعلمون أن المسلمين كالجسد الواحد المسلمين كالجسد الواحد et on remercie Allah Azza wa Jal encore plus particulièrement aujourd'hui car il nous a réjoui par la vision de deux frères que nous aimons profondément pour Allah Azza wa Jal, Abu Ibrahim Sufyan Al-Jazari, qui est passé ce matin rapidement, Jazallahu khairan, Raji'a min Misr, wa nasallallah an yarahama mawtah, et qu'Allah fasse miséricorde aux défunts de sa famille, car il est revenu pour un décès, Wallahu al-Musta'an. Et aussi, notre frère Mahdi, notre frère Mahdi, hein, qui faisait partie des piliers, arkan al-masjid, n'am, min hayth al-tandim wa tandif wa mada wa yani mada al yani istiqbal al-ikhwa, istiqbal al-nas, kana ala khuluqin hasan. فلما نراه مع لحيته وفي مسجده أول ما خرج من السجن نفرح فرحا شديدا يا إخوان لأن البلاء وارد على جميعنا. Quand on voit des gens comme notre frère Mahdi qui sortent de prison, ils ont toujours la barbe, ils sont toujours accrochés à la mosquée. Premier jour qu'ils sortent, la première des maisons qu'il visite, c'est la maison d'Allah Azza wa Jal. Ça nous rajoute encore plus d'amour pour ce genre de frère. Vous savez, les épreuves, ça arrive à tout le monde, hier. Les épreuves, ça tombe sur tout le monde. يعني من أشد ما يصيب الشخص الابتلاء في حريته. Et parmi les épreuves les plus difficiles pour un être humain, les épreuves qui touchent directement à ses libertés personnelles, كالسجن, comme la prison. لكن السجن يا إخوان ليس ماذا مذلة ليس مذلة لأصحابها إن كانوا على صلاح. Et la prison, C'est pas une humiliation pour celui qui y rentre. Si toutefois, il est pieux. Si toutefois, il fait partie des vertueux. Car si c'était le cas, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas fait entrer en prison Al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim. Yusuf ibn Ya'qub, alayhim as-salam. Si c'était le cas, si la prison c'était un endroit d'humiliation pur et simple, qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste, min awwali ila akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait jamais fait rentrer l'un des meilleurs prophètes que la terre n'ait jamais porté, qui n'est autre que Yusuf, fils de Mada Ya'qub. Ya'qub, fils de Ishaq, ou Ishaq, fils de Ibrahim. L'une des meilleures descendants, l'une des meilleures lignées au monde. Naam. Wa kam fil Quran, Allah subhanahu wa ta'ala yuhadithna an ashab as-sijn. كذلك في قصة يوسف يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون أم الله أم الله خير طيب يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الواحد القهار. هذه دعوة من يوسف لأصحاب السجن, فالله سبحانه وتعالى يسر لهما نبيا يدخل السجن لأجلهما أو لأجل نفعهما. فهذا دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يريد لأصحاب السجن النفع العميم العظيم, وهو الهداية. نعم. وكذلك ماذا؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ماذا ويتيما وماذا وأسيرا. والأسير هو يعني المحبوس الذي هو في السجن. فالسجن يا إخوان c'est pas une madalla, c'est pas une humiliation pour celui qui rentre, à condition ماذا, à condition de rester salah, de rester pieux. فالإنسان إذا ابتلي بمثل هذا, c'est l'individu, s'il est éprouvé par ce genre d'épreuve, il fait sa peine comme un homme. Il fait sa peine comme un homme. Il fait sa peine comme un homme. Voilà, ishtaki, voilà, yabki, voilà, là. Tu fais ta peine comme un homme et tu sors. Et tu sors. Tu sors avec ta lahya. Tu sors avec yani mada dinak. Tu sors, yani, rajul. Tu fais ta peine comme un homme, tu sors comme un homme, alhamdulillah. Qulillahumma malika al-mulk, tu'ti al-mulka man tasha, wa tunzi'u al-mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudillu man tasha. La prison, khada fiha l'imam Ahmed, wa khada fiha Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, wa khada fiha akharun, kama dhakarna Yusuf, wa akharun. Ahlu al-Islam, a'immatuhum, تليو بمثل ذلك. فهو نحن لما نرى إخواننا يخرجون من السجن, والله نفرح فرحا شديدا, لأن هذا فرج من الله. Les musulmans, ils sont à l'image d'un même corps. C'est-à-dire, ce qui va toucher l'orteil, ça va nous faire du mal jusqu'au cerveau. وهكذا, ce qui touche nos frères في أي مكان من العالم يعني يضرنا وما يسرهم يسرنا. Est-ce qu'il leur fait plaisir? Ça nous fait plaisir également. Falhamdulillah. Donc on remercie Allah Azza wa Jal qui a accordé la sortie à notre frère, et on demande à Allah de le maintenir sur la voie droite. حتى يلقاه وهو راض عنه. نعم. طيب ونحن اخترنا القراءة في رسالة نفيسة طيبة مهذبة للشيخ عبد المحسن العباد البدر Voyez, Risala. Mortassa. Fi tarjamat al-Sheikh al-Fadil al-Allama al-Mujaddid al-Imam al-Mujahid Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. Donc on a choisi, comme cela a été convenu, que nous allons commencer une courte série de cours dans lesquels nous lirons ce fascicule de Cheikh Abdel Mohsin, dans lequel il traite ou il évoque la biographie ou les grands points de la biographie du noble savant Al-Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. Et on a choisi ce sujet car il est très important, il est d'une grande importance pour la communauté et pour toute personne qui s'affilie à l'islam d'avoir une connaissance de sa religion, de son prophète, avant tout une connaissance de son Seigneur, mais aussi, on rajoute à cela, qu'il est important à tout un chacun parmi les musulmans de connaître ce que l'on considère comme la véritable science religieuse. On se doit de connaître qu'est-ce que la science. Et de surcroît, on se doit de connaître également qui sont les véritables savants. Qui sont les véritables savants? Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a éprouvé la communauté du prophète alayhi salatu wa salam par la plus grosse épreuve qui n'est autre que la mort du prophète alayhi salatu wa salam. فَبِمَوْتِهِ إِنْقَطَعَ الْوَحِي وَإِنْتَهَتْ النُّبُوَّةِ. Car avec la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, s'est interrompue, littéralement, la révélation, la descente du Coran. Et s'est interrompue également la prophétie. Qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, la nabiyya ba'd. Il n'y aura pas de prophète après moi. La prophétie s'arrête avec ma mort. C'est-à-dire la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. ولكن بشرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسل والأنبياء لم يتركوا دينارا ولا درهما ولكنهم تركوا العلم وأن ورثة الأنبياء هم العلماء. Donc le prophète sallam nous a fait la bonne annonce que les prophètes et les messagers, lorsqu'ils viennent à mourir, ils ne laissent ni or ni argent pour leurs proches. En guise d'héritage, il n'y a ni or ni argent, mais tout ce qu'ils laissent en guise d'héritage, c'est leur science. من أخذه فقد أخذ بحظ وافر. Celui qui prend cet héritage là, il a certes pris une chose immense, un héritage immense. Et il nous informe que les héritiers des messagers et des prophètes ne sont autres que les savants. طيب. فإذا علمت أنهم ورثة الأنبياء فجدير بنا أن نقرأ في سيرهم وتراجمهم حتى يحصل لنا شيء من الاقتداء بهم، إذ أنهم أمانة للناس في جميع الأزمنة. Car les savants, le fait de connaître la vie des savants, ça va nous donner une envie et un engouement à les suivre dans ceux qu'Allah les a guidés. ف مثل هذه القراءات نافعة جدا. Donc ce genre de lecture sont très enrichissantes pour le musulman ou la musulmane, car il lui enseigne le chemin à suivre pour voguer vers Allah Azza wa Jal et emprunter le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. فقال الشيخ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهدي إلى يوم الدين. فإني أتحدث إليكم أيها الإخوة هذه الليلة عن شيخ فاضل من شيوخ المملكة العربية السعودية. Donc le cheikh dit, aujourd'hui, je vais vous parler en cette nuit, c'est-à-dire, car en fait, cette risala, c'est une muhadara. Elle a été regroupée, mais à la base, c'était une conférence qu'il a donnée, fil jami'a al-islamiyya bil Medina. Non, laylat al-jumu'a. C'est une conférence qu'il a donnée à l'université de Médine. D'ailleurs, ensuite, elle a été regroupée par ses toulab. Ils l'ont rédigée. Et la voilà en petit fascicule. Donc, il dit « Fa'inni uhadithu ilaykum ayyuha al-ikhwa hadhi al-layla an shaykhin fadilin min shuyukhil mamlakati al-arabiyyati al-sa'udiyya wa alamin min a'lamiha bal alamin min a'lami al-alam al-islamiyya ou al-islami. » Donc il dit, je vais vous évoquer aujourd'hui, ou je vais vous parler d'un cheikh, d'un savant de mérite, parmi les savants du royaume d'Arabie Saoudite. Un des grands savants de ce royaume, ou plutôt l'un des grands savants du monde islamique. « Lahu juhudun kabira fil inayati bil ilmi » ونشره وبذله وإفادة طلبة العلم ألا وهو الشيخ العلامة محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله وأسكنه فسيح جنته. Et ce cheikh en question n'est autre que le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. فأقول إن أعظم مصيبة موت حصلت في الإسلام المصيبة بوفاة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Donc il commence par dire que le plus grand malheur, ou la mort la plus la mort qui causa le plus de tort aux gens de l'islam n'est autre que la mort du prophète alayhi salatu wa salam. والمصائب العظمى بعد تلك المصيبة إنما هي بموت ورثته. Et ensuite, après ce grand malheur, les malheurs les plus grands sont en relation avec la mort des héritiers du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Yahwat? La mort des savants. C'est-à-dire, le plus grand malheur qui a touché cette communauté, c'est la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et après la mort du prophète, les plus grands malheurs qui touchent cette communauté, ce sont la perte et la mort des savants. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر رواه أبو داود وغيره وسنده حسن. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit dans ce hadith, certes les savants sont les héritiers des prophètes, les prophètes n'ont ni laissé d'argent ou d'or, mais ils ont juste laissé la science. Et la science, c'est vaste. Mais du moment que tu apprends une des catégories de la science, فَيُرْجَى لَكَ أَنْ تَحْصُلْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ التَّرِكَةِ الْعَظِيمَةِ. Et du moment que tu t'efforces de prendre une chose de la science, même si c'est peu, alors on espère que tu rentres dans ce hadith et tu bénéficies d'une partie de l'héritage du prophète alayhi salatu wassalam. Naam. Qala wa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah qad akhadha min al-'ilm بحظ وافر وبذل جهودا عظيمة في نشره وإفادة طلاب العلم وكلامي عن هذا الشيخ الفاضل عن نسبه وولادته ونشأته وشيوخه وتلامذه وبذله للعلم وقيامه بالدعوة ومؤلفاته ومكانته عند الناس ووفاته وعقبه ووصايا مقترحات. Donc le cheikh ensuite il nous explique le programme de sa muhadara, de sa conférence, comment il va l'organiser. Donc il dit qu'il va parler de Cheikh Al-Uthaymeen, tout d'abord en ce qui concerne sa naissance, son enfance, ses savants, ses professeurs, ainsi que ses élèves. Il va nous évoquer de qui il a pris la science et à qui il l'a donnée. Et aussi, il va nous évoquer sa manière de prendre et de donner la science, sa manière de prêcher, les écrits qu'il a écrits, qu'il a rédigés, et quelle était sa place chez les gens. Ensuite, il nous évoquera sa mort et il nous parlera en bref des descendants qu'il a laissés. نعم. قال أولا نسبه. Tout d'abord sa lignée. هو محمد ابن صالح ابن محمد. محمد ابن صالح ابن محمد ابن سليمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان. محمد ابن صالح ابن محمد ابن سليمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أحمد ابن مقبل ابن الوهبة من بني تميم وجده الرابع عثمان أطلق عليه عثيمين. هذه فائدة. La première des فائدة. Pourquoi on l'a appelé Cheikh Al-Uthaymeen? À partir de son quatrième grand-père. À partir de son quatrième grand-père qui s'appelait comment, Ya Ali? Uthman. Et par rapport à Uthman, on l'a appelé Uthaymeen. Fahimtum? واشتهرت هذه الأسرة بالنسبة إليه بهذا الإطلاق Uthaymeen, مأخوذ من عثمان. Tamam. Donc là, après lui, après cet homme-là, Uthman, cette famille-là, elle a été connue chez les gens par l'appellation Uthaymin. Uthaymin, qui est en vérité une affiliation à Uthman, l'un des grands-pères de Sheikh Al-Uthaymin. ويقول الشيخ أفادني بهذا النسب بهذا النسب ابن عمه الدكتور عبد الرحمن ابن سليمان ابن عثيمين. Qui c'est qui a appris cette chose-là, Cheikh Abdel Mohsin? Ce n'est autre que le fils de l'oncle de Cheikh Al-Uthaymin. Donc le cousin de Cheikh Al-Uthaymin, c'est lui qui a informé Cheikh Abdel Mohsin du pourquoi, du comment. Cette famille se surnomme Uthaymin. Tamam. Ça, c'est première faïda. Première faïda, vous voyez, Jamila. Uthaymin, limada, lianna, jadduhu, al-rabi', kana yusamma bi Uthman. Fa'utlika alayhi Uthaymin. Wa naktafi bi hadha al-qadr. Wa jazakum Allahu khairan. Wa. Ma huwa al-afdal? يعني أن الشخص يستمع الدرس من هنا أم من مكانه الذي هو يعتكف فيه؟ من مكانه. من مكانه. إيه من مكانه. إذا كان في في في اعتكافه يعني يستطيع أن يجمع بين أخذ العلم وبين الاعتكاف فبيه نعمة. طيب هناك القاعدة وتعرفها. إذا تزاحمت المصالح نرتكب أعلاها. هذا متى؟ عند التعذر الجمع. أما إذا في نستطيع أن نأخذ الجمع ونحن مستريحون. فهمتم؟ تفضل. طبعا rester à sa place où il fait l'i'tikaf. Ouais, ouais, n'am, si la misaniyat fait l'i'tikaf dans le coin là-bas. Tamam. Il fait sa salat, il repart dans le coin là-bas. Il écoute le daf min hunak. Il y a sunna. C'est une sunna parmi les sunnas d'i'tikaf. Salam alaikum. Mashallah. Khalas. Mashallah. Mashallah. Khalas. خلاص يا إخوان وفقكم الله.